Nyangi. Séraphine Hakizimana sur la mise en onde. Nous sommes mardi 4 mai. Madame, monsieur, bonjour. Voici les grands titres de cette édition. Les commerçants transfrontaliers apprécient positivement la réouverture imminente du poste frontalier d'Ogatumba entre le Burundi et la République démocratique du Congo, annonce hier du Comité national de riposte contre la COVID-19. Dans cette édition, on vous parlera du commerce du sucre et des produits Brarudi dans les provinces d'Ngozi et de Muyinga. La chronique santé de ce mardi nous parle de l'hémophilie héréditaire, de l'hémophilie qui est une maladie héréditaire liée au chromosome X. Vous aurez les détails dans quelques secondes. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour, ce mardi 4 mai 2021, c'est le 5e anniversaire de la disparition de son Excellence Jean-Baptiste Bagaza, ancien président de la République du Burundi de 1976 à 1987. Un anniversaire, selon un communiqué de presse sorti par Zenon Nimubona, président et représentant légal du parti Parena. C'est un anniversaire qui intervient au lendemain de la fête internationale du travail qui a donné l'occasion au président de la République du Burundi, son Excellence Évariste Ndayishimiye, d'appeler les serviteurs de l'État de faire en sorte que les générations suivantes puissent dire en guise de souvenir et de fierté que tel ouvrage est l'œuvre d'un tel qui n'est plus. Dans son communiqué, le président du parti Parena dit que c'est pour cette raison que le parti pour le redressement national Parena Imbogura Burundi demande au président de la République d'immortaliser par un symbole de son choix l'ancien président Jean-Baptiste Bagaza comme le serviteur de l'État ces dernières décennies, à qui l'État doit de nombreuses infrastructures économiques et sociales, En page justice transitionnelle, début ce mardi des travaux d'exhumation des restes humains des fosses communes situées dans la province de Muyinga. Des restes de 1972, une activité de la commission Vérité et Réconciliation officiellement lancée dans le parc national de la Ruvubu. Parlons éducation et gouvernance. La cellule en charge des questions socioculturelles à la présidence de la République trouve qu'après une enquête minutieuse, les retards observés répétitivement dans le paiement des crédits pré-bourses est attribuable à tous les services impliqués dont son octroi selon le responsable de cette cellule. Jean-Claude Calégois appelle cependant les responsables si aussi tard se ressaisir et dément les informations selon lesquelles il y a un étudiant récemment mort de faim alors qu'il est mort de maladie, dit-il. Le point avec Évariste Nzikobanyan. Selon la cellule en charge des questions socioculturelles à la présidence de la République, de façon générale, le retard est attribuable à tous les services impliqués dans l'octroi du prêt-bourse, surtout le bureau de bourse d'études et stages qui a les prérogatives d'accorder ce crédit prêt-bourse, surtout pour les étudiants de la première année. Ce bureau accompagne ces étudiants dans la signature des contrats et le notariat de ces derniers, ajoute le chef de cette cellule en charge des questions socioculturelles à la présidence de la République. D'autre part, le retard est attribuable à la direction des services académiques qui doit régulièrement actualiser les listes des étudiants inscrits au rôle et au cours à chaque niveau de formation, poursuit Jean-Claude Carégois. Le budget insuffisant accordé au bureau des bourses et stages, eu égard au nombre sans cesse croissant des étudiants bénéficiaires, est l'une des véritables causes de ces retards. Jean-Claude de Carégois émet quelques recommandations aux différents intervenants directement ou indirectement dans le circuit du prêt-bourse au Burundi. Le ministère des Finances devrait accorder un budget conséquent au bureau des bourses et stages en tenant compte de l'augmentation des effectifs des étudiants bénéficiaires. La BRB devrait permettre le virement du crédit pré-bourse des étudiants dans n'importe quelle institution bancaire reconnue par la loi, comme cela se fait pour les salaires des fonctionnaires. Cela pour éviter de longues chaînes devant une seule agence du bureau postal de Mutanga. Alternativement, la Régie nationale des postes devrait implanter des guichets dans tous les campus universitaires pour observer un grand nombre d'étudiants en ayant des brefs délais. La direction des services service académique est appelé à disponibiliser à temps la liste des étudiants de chaque année. Cette enquête de la cellule en charge des questions socioculturelles à la présidence de la République indique enfin que l'étudiant Joël Nindorera, qui habitait la colline Ergueza sous colline Cagnaré, qui n'est pas mort de faim, mais qu'il est mort d'une maladie selon cette enquête. Évariste Nzikobanyanga, page diplomatie. Les sanctions prises par l'Union européenne contre le Burundi en 2016 peuvent être levées avant la fin de cette année. Dans un communiqué sorti par le ministère burundais des Affaires étrangères et de la coopération relatif à la visite de travail du patron de ce ministère dans certaines capitales de l'Union européenne, la porte-parole du ministère annonce que des rencontres avec certains hommes d'affaires ont été tenues. L'ambassadeur Albert Shingiro estime qu'il n'y a aucune raison de maintenir ces sanctions, rapporte la porte-parole de ce ministère que je vous prie de suivre. Dans le cadre du réchauffement des relations diplomatiques entre le Burundi et l'Union européenne et ses États membres, et sur invitation de l'Union européenne, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et développement, son Excellence l'ambassadeur Albert Shingiro, a entamé le 23 avril 2021 une tournée en Europe. Au cours de cette tournée qui a commencé par Bruxelles, capitale de la Commission de l'Union européenne, le ministre des Affaires étrangères a rencontré le secrétaire général du Service européen pour l'action extérieure à la Commission de l'Union européenne, M. Stefano Sanino. Ils ont eu un entretien très fructueux, discuté sur des sujets d'intérêt commun, notamment la levée des sanctions qui avaient été prises par l'Union européenne contre le Burundi il y a à peu près 5 ans. Cette visite intervient au moment où, depuis 5 ans, il n'y avait pas eu de visite de travail d'une autorité burundaise de haut niveau auprès de cette institution. Le secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique a rassuré le Burundi du soutien indéfectible de cette organisation dans la demande du Burundi de lever les sanctions qui avaient été prises contre lui. Il a d'ailleurs déclaré qu'aucun pays, aucune organisation internationale ne devrait maintenir des sanctions contre le Burundi, compte tenu des progrès remarquables enregistrés dans plusieurs secteurs du pays. Compte tenu des démarches déjà effectuées auprès des partenaires et des entretiens déjà effectués, il s'observe une convergence au point de vue de la part de nos partenaires et de la partie burundaise sur la demande légitime du gouvernement du Burundi de lever les sanctions qui ont été prises contre le Burundi. En tout cas, nous avons l'espoir que, s'il n'y a pas d'imprévu, les sanctions prises contre le Burundi par l'Union européenne peuvent être levées avant la fin de cette année. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Parlons commerce à 13h04 dans le studio de la radio Isanganiro. Des personnes exerçant le commerce transfrontalier apprécient la mesure récemment prise par le Comité national de riposte contre la COVID-19 relative à la réouverture de la frontière de Gatumba entre le Burundi et la RDC. Certaines d'entre elles rencontrées ce mardi au marché dit Bujumbura City Market déplorent le sous-emploi occasionné par la fermeture de la frontière. D'autres regrettent le non-accès à l'approvisionnement marchandises, mais toutes demandent la mise en application de cette mesure. Le point avec Vestine Boutoui. En tout cas, je suis très heureux. Je suis très heureux avec la mesure qu'on a prise. Et nous attendons voir. Une des personnes rencontrées au marché dit Bujumbura City Market, situé en zone Ngagala de la mairie de Bujumbura, apprécie la mesure de réouvrir la frontière burundo-congolaise, récemment prise par le ministère de la Santé publique. Je suis très heureux avec la mesure qu'on a prise. Et nous attendons voir l'application de la mesure pour nous permettre d'évacuer notre occupation, de recommencer l'occupation parce qu'on était vraiment à genoux. Celle-ci faisait le commerce transfrontalier. Elle déplore les conditions de vie difficiles occasionnées par la fermeture de la dite frontière. Elle explique qu'il ne parvient plus à couvrir ses besoins quotidiens. Pour moi-même, c'était une hécatombe parce que tout était à l'arrêt. On ne parvenait plus soit à trouver quelque chose à manger. Et maintenant que la mesure est venue, c'est une mesure sanitaire et nous encourageons les décideurs d'aller de l'avant. Une autre regrette la suspension des voyages à travers cette frontière. Tout était bâclé, mais actuellement, quand même, nous attendons donc cette mesure-là. J'ai voyagé, mais comme il y avait fermeture des frontières, je suis obligé de rester ici. Les autres affirment avoir perdu leur emploi et d'autres encore précisent ne plus avoir moyen de s'approvisionner en marchandises. Toutes ces personnes demandent la mise en application de cette mesure dans les meilleurs délais afin de renormaliser leurs conditions de vie. Nous attendons voir l'application de la mesure pour nous permettre d'évacuer notre occupation. Et l'association des commerçants transfrontaliers salue cette mesure. Daniel Niyo Masabo, vice-président de cette association, demande aux instances habilitées d'accélérer les procédures pour que cette mesure soit mise en application et aux commerçants de respecter toujours les mesures barrières contre le COVID-19. Suivez-le au micro de Lydie Garimbari. Vraiment, la décision prise par le gouvernement, nous l'avons accueillie vraiment avec beaucoup de joie, parce que ça faisait longtemps que les commerçants transfrontaliers qui utilisaient ces frontières vraiment ne faisaient rien, restaient à la maison, et la majorité de ceux qui utilisent ces frontières sont des femmes. Et vraiment, nous saluons cette décision qui vient d'être prise par notre cher gouvernement. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement pour la mise en application de cette décision? Ce que nous demandons au gouvernement est d'accélérer les procédures pour que ces frontières soient réouvertes. Je vous l'avais annoncé en titre, seules 20 tonnes de sucre ont été envoyées en province Ngozi sur plus de 300 tonnes normalement destinées à la population de cette province. Diane Manera Kiza, conseillère économique au gouverneur, au cabinet du gouverneur, indique que ce sucre a été donné à 10 commerçants qui ont reçu l'ordre de donner seulement 2 kilos par individu et de servir le plus possible de ménage. Et promet tout de même qu'un nouveau lot parviendra en province Ngozi la semaine prochaine. C'est après que l'approvisionnement en sucre soit devenu casse-tête dans différents coins du pays où un kilo coûtait pouvait se vendre entre 4 000 et 5 000 francs burundais. Le point avec Apollinaire Muzagala de Pungozi. 10 commerçants de sucre ont été sélectionnés parmi une soixantaine pour distribuer les 20 tonnes envoyées en Ngozi, une denrée devenue rare ces derniers jours dans cette province. Les attroupements s'observaient soit mardi matin aux différents points de vente où les bénéficiaires s'enregistraient d'abord pour recevoir uniquement 2 kilos. Certains se désistaient à cause des bousculades. Pour cause, cette minime quantité envoyée, les 20 tonnes seulement, dans la population d'Ngozi, qui dans les conditions normales recevait 340 tonnes. Chose confirmée par Diane Manirakiza, conseiller économique au gouvernorat d'Ngozi. Elle indique que cette décision de distribuer 2 kilos seulement par personne a été prise en vue de servir le plus de ménages possible et a précisé que les sociétés, entreprises et boulangeries utilisant d'importantes quantités de sucre ne sont pas du nombre. Ce responsable tranquillise qu'un nouvel approvisionnement est attendu pour la semaine prochaine. Le sucre réapparaît en Ngozi alors que le prix d'un kilo arrivait à 5 000 francs bout. Le sucre était vendu en clandestinité comme une marchandise prohibée. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Sanganyi. Quittons la province Ngozi pour nous rendre en province Muyinga. C'est toujours au nord du Burundi. Et pour parler commerce des produits Brarudi, dans certains débits de boissons où il y a eu hausse, la Primus se vend à 2000 francs burundais, l'Amstel 65 centilitres à 2300 francs burundais, Royal à 2500 francs burundais. Jean-Claude Barutwanayo, gouverneur de cette province, demande à la population de son ressort de pointer du doigt les commerçants qui viole les prix fixés par la Brarudi. Le point avec Pierre Claver à Barundi depuis Muyinga. Le nouveau tarif des produits Brarudi n'est pas du tout respecté en province de Muyinga. Dans certains cabarets ordinaires, une bouteille de Primus coûte 2000 francs, celle d'Amstel 65 centilitres coûte jusqu'à 2300 francs, celle de 50 centilitres jusqu'à 1700 francs. L'Amstel Royal se vend à 2500 francs, même chose pour l'Amstel Bock, tandis que les boissons gazeuses sont vendues à 1000 francs la bouteille. Les vendeurs de ces produits évoquent la rareté de ces derniers, une explication qui ne convainc personne parmi les consommateurs. Jean-Claude Bertwanayo, gouverneur de la province de Muyinga, demande à tout un chacun de pointer du doigt les contrevenants au prix fixé par la Brarudi afin qu'ils subissent des amendes. Pour rappel, vous saurez que le nouveau tarif en vigueur depuis le 2 courant fixe les prix consommateurs à 1900 francs par bouteille d'Amstel 65 centilitres, à 1500 francs par petite Amstel, à 1400 francs l'Amstel Bock, à 2200 francs par bouteille d'Amstel Royal, à 800 francs pour les boissons gazeuses, tandis que le prix de la Primus est resté inchangé. Pierre Claver Barundi, Muyinga, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique santé. Place à la chronique santé de ce mardi à 13h11. Dans nos studios, l'hémophilie est une maladie héréditaire liée au chromosome X, due à l'absence ou au déficit d'un facteur de la coagulation, selon Dr Nyabienda Stanislas, spécialiste en médecine transfusionnelle. Des saignements dans les muscles et les articulations sont les symptômes majeurs de la maladie. Les garçons sont les plus touchés par la maladie. La chronique santé de ce mardi est signée On est là. L'hémophilie est une maladie génétique transmissible par le chromosome X. Docteur Stanislas Nyabenda, spécialiste en médecine transfusionnelle, précise que l'hémophilie est liée à l'impossibilité pour le sang de coaguler. Cela est dû aux unions consanguines. Les garçons ayant un seul chromosome X sont les plus touchés par rapport aux filles ayant deux chromosomes X. Dans sa génétique, il y a un gène qui code pour la fabrication du facteur de coagulation, le facteur numéro 8 pour les hémophiles A et le facteur numéro 9 pour les hémophiles B. Donc ce facteur, quand il n'est pas là, la coagulation n'est pas normale. Donc le facteur 8 intervient dans le renforcement du caillot, le sang, qui va permettre l'hémostase, donc l'arrêt des saignements. Pour les hommes, lorsqu'ils sont au chromosome et porteurs du gène, donc ils sont malades. Mais pour les filles, il y a ce qu'on appelle des porteuses qui disposent du chromosome X qui provient du parent malade et elles deviennent porteuses, elles peuvent transmettre la maladie à 50% de ses fils et ses filles, 25%, peuvent être porteuses. Les saignements dans les muscles et articulations occasionnant à la longue des déformations invalides sont les symptômes majeurs de la maladie. Elle est diagnostiquée cliniquement à partir des ecchymoses, donc des petits schistes sous-cutanés, donc de ces saignements sous-cutanés, ou carrément des hématomes profonds, c'est notamment sur le muscle fessier, surtout chez les enfants lorsqu'ils sont en train d'apprendre à marcher. Vous voyez qu'ils tombent tout le temps sur leurs fesses. Donc comme ça, ils vont développer des hématomes du muscle fessier et parfois ils peuvent se manifester par des complications. Et au niveau des complications, vous avez des déformations au niveau articulaire liées au saignement intra-articulaire. Il y en a même qui développent des hématomes intracrâniens. Lorsqu'il fait un petit choc, ça va se traduire par un saignement vraiment qui n'est pas facile à maîtriser. Lorsqu'il est opéré ou quand il a fait un accident, donc il fait des saignements vraiment qui ne sont pas faciles à maîtriser. La maladie peut être diagnostiquée cliniquement ou biologiquement. Le diagnostic, il est souvent clinique. Et le diagnostic clinique, il est parfois très tardif. Ça veut dire que c'est au moment des complications ou carrément pour une personne qui consulte pour un saignement ou un épistaxis, un saignement du nez qui ne s'arrête. Au niveau biologique, on fait le dosage du facteur 8 pour voir s'il est quantitativement disponible. Parfois, on fait aussi une analyse qualitative pour voir si réellement le facteur 8 est bon pour les hémophiles A ou carrément le facteur 9 pour les hémophiles B. L'hémophilie est une maladie incurable. Dans notre prochaine chronique santé, Dr Stanislas Nyabenda nous parlera des moyens utilisés pour le traitement du patient. Merci à Ornella Mucho et au docteur Stanislas Nyabenda pour toutes ces précisions. Voilà, 13h14 dans le studio de la radio Isanganiro. Et ça s'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Séraphine Hakizimana qui en a suivi la mise en onde. À toute l'équipe de la rédaction Isanganiro qui m'a aidé à le réaliser. Je dis merci. Un très bon après-midi à tous. Au revoir.